C'est fait, l'horloge est à sa place. Déjà, monsieur, que de grâce. Il n'y a pas à dire, il faut qu'à nouveau je m'en débarrasse. Vous allez me trouver bien folle, cher monsieur. Comment vous faire cet aveu? Donc, à peine étiez-vous parti avec l'horloge vers ma chambre, j'ai réfléchi que celle-ci y serait mieux que vous ensemble. Signora, c'est votre plaisir. Je suis tout à votre service. Tant d'indulgence à mon caprice. Voilà, c'est celle-ci à l'instant que j'emporte. Quand vous aurez rapporté l'autre, quelle courtoisie est la vôtre? Vous êtes un vrai paladin. C'est ainsi que ton cœur, éternel féminin, apparaît plus mouvant que les plis d'une chute. Caprice de femme. Chanson. Moi, ça m'est égal, ça m'occupe. Les muletiers n'ont pas de conversation.